Dis-moi pourquoi on a peur. Cher Breaking News, la peur est une émotion vitale. C'est une émotion naturelle qu'on éprouve quand on sent un danger ou quand on ressent une menace réelle ou imaginée. Tu la ressens tout de suite dans ta tête et dans ton corps. Tu transpires, tu as la gorge serrée, tu as mal au ventre, tu trembles. La peur est une émotion désagréable et pourtant elle est utile. Tu as peur quand tu croises un danger. La peur est comme une petite lumière rouge qui s'allume pour te dire « Attention, il faut faire gaffe !» On craint les dangers qui menacent notre corps, comme la peur de tomber, la peur de se faire mal, la peur de mourir. Ces peurs nous apprennent à nous protéger et à nous défendre. On craint aussi les dangers qui ne menacent pas notre corps, mais toute notre personne, comme la peur de mal faire, la peur d'être ridicule, la peur de perdre un être qu'on aime, la peur de ne plus être aimé. Ces peurs peuvent parfois nous guider dans la vie, elles nous poussent à faire de notre mieux, à faire attention à nous et aux autres. Le plus embêtant, c'est qu'on peut craindre les choses qui ne sont pas vraiment ou toujours dangereuses. Ces peurs s'appellent phobies, comme la peur des araignées, la peur des guêpes, la peur de prendre l'avion. Les phobies sont des peurs qui nous gênent dans notre vie. Toutes nos peurs nous rappellent que la vie est fragile et précieuse et que nous avons besoin de se sentir aimés et entourés pour grandir en confiance. Quand on a peur, ça ne veut pas dire qu'on est faible, mais qu'on est capable de reconnaître un danger et ce qu'on ressent. On n'est pas courageux quand on n'a jamais peur. On est courageux quand on parvient à devenir plus fort que sa peur. Signe et signal, sensation, émotion et protection, peur. La peur peut être vice-versa. Elle peut nous figer, nous pétrifier et à la fois nous émouvoir et nous mettre en mouvement. C'est une émotion qui peut nous mettre sans dessus-dessous, source de frayeur. Une fois terminée, elle peut se transformer en fou rire, soulagement. La peur a plein de nuances et peut prendre plusieurs visages. Appréhension, inquiétude, anxiété, terreur, horreur, panique en font partie. Heureusement, la peur et ses amis, les phobies, sont souvent dépassées. Il y a des peurs que l'on arrive à dépasser tout seul et puis des peurs pour lesquelles on a parfois besoin d'une petite aide. Bref, face à un danger, la peur peut être une bonne conseillère. Elle nous conseille de fuir, d'éviter ou de prendre des précautions. Le problème, c'est quand la peur a le monopole de la parole, car il devient impossible de partir à la découverte du monde. Il faut apprendre à l'écouter et à la fois mesurer le risque réel pour tenter sa chance, pour avancer et gagner en confiance. Le plus étrange, c'est que la peur n'est pas toujours désagréable. Tu aimes bien les histoires, les jeux et les films qui font un peu peur ? Dans Breaking News, tu trouveras ton bonheur. Même pas peur !